rouge qui pue. C'est pour tous ceux qu'en peuvent plus. Notre combat n'est pas palpable. Fais un peu pareil, c'est cette apathie et je t'en donne. Me rapprocher de Dieu juste une seule fois. Le vrai combat. Pourquoi on baisser les bras? On se prend la baisse, mais on évite le combat. Écoute, mec, je suis là pour te parler. Elle vient d'en bas, t'étonnes pas si tu l'entends pas. C'est les questions que tu te poses quand tu t'y attends pas. Le vrai combat c'est la haine, l'amour, la guerre, la paix. Tes agissements finissent par te rattraper. Le vrai combat c'est contre nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous on veut. Mais ça dépend du domaine. Mais ça dépend qui domine. Mais un peu pareil, si ça pas d'idée je t'en donne. Fais rien que voir dans ma commune. La vie partout elle est commune. C'est pour ça qu'on se la ramène. Pour ceux qui peuvent pas, qui peuvent plus. Ouais mon vieux, c'est pour tous ceux qu'en peuvent plus. Le vrai combat c'est l'humanité qu'il nous reste. Rien à foutre de tout ce temps qui nous presse, hein. Ce n'est pas des choses qu'on remplace. De nos jours voire rien, tout ce monde tient pas en place. Le vrai combat c'est ici et partout ailleurs. Y'a pas d'hasard, si le bazar ça aurait pu être meilleur. À qui la faute sinon à l'homme? Notre mode de vie nous détruit. À qui la faute sinon on l'aime? Ouais c'est peut-être ça le problème. Malheureusement on aime ce qui nous fait mal. Le titre de cette compil, c'est un thème qui fait mal. Le vrai combat, ça remet tout en question. C'est pas le moment de retourner ton veston. C'est pour les soldats quand d'autres se barrent, nous nous restons. D'autres abandonnent et nous nous testons. D'autres abandonnent et te laissent tomber. On n'est pas venu jouer à la Barbie. Beaucoup sont fait barber, cherchent à se faire chez Barbie. Mais ça suffit, la face ça s'invente pas. Ouais ça se vit et on s'en vante pas. C'est sans se vit, alors me tente pas. La marche est longue, même si t'as déjà fait tant de pas. Le vrai combat, c'est de la boucherie pure. C'est pour tous ceux qu'en peuvent plus. Notre combat n'est pas palpable. Fais un peu pareil, c'est cette apathie et je t'en donne. Me rapprocher de Dieu juste une seule fois. Le vrai combat. Pourquoi on baisser les bras? On se prend la baisse, mais on évite le combat. Écoute, mec, je suis là pour te parler. Dans la tête dans le cul. J'ai le cul de joint dans la bouche. J'ai la touche qui tue, j'ai la bouche qui pue. Mais c'est de la boucherie pure. J'ai grandi, je te dirai plus qu'après ça boucherie plus. Si ça touche, c'est que t'as reçu ma touche. Pourquoi nie-tu si tu te couches? C'est que t'as pris la cartouche qui tue. Quand tu te couches, le créateur de l'humain prie tu. Comme il te pue quand tu te lèves devant tes créditeurs. Te pue tu, mis à part leur torchon de merde. Quel livre lis-tu? T'es perdu sans ton pochon d'air. Dis-moi quel espoir vis-tu? Si tu consommes du cochon, pourquoi le contraire dis-tu? Peux pas comprendre un gars qui dit vous quand un connard dis-tu? Mon but n'est pas de changer mes habitudes. Trop aigri, ma partie nègre ne rêve que de l'altitude. Si haut que je ne puisse plus jamais voir le bitume. Mais assez pour que tu puisses continuer kiffer nos sons sur iTunes. Tu crois que tu vas driver Kid qui me dit vénère depuis longtemps? Tu crois que tu vas nous priver de quoi à part du peu longtemps? Mais qu'est-ce qui fait que tu voudrais qu'on échoue à tout prix? La rue s'occupe de nous, le peur à nous a déjà tout pris. Nous on sent pas du matériel, notre combat n'est pas palpable. Et notre mental ne peut pas rentrer dans un cartable. Toujours les mêmes têtes, qu'on rentre qu'on sort de cartable. Elles sont à mon gonflé, ils peuvent taper, ça reste des traves. Nos seules entraves seraient de ne pas voir aboutir nos rêves. De ne pas avoir mené notre combat jusqu'à la trêve. On reste brave, même si les récompenses se font brèves. Le vrai combat assume ta vie jusqu'à ce que tu en crèves. Un vrai combat, crois en ce que je ne vois pas. Récupérer ma foi, me rapprocher de Dieu juste une seule fois. Y'a rien à faire, tu sais la drogue, le vice, c'est pas mon kiff. On veut se barrer, moi et mon fils, c'est la malheur de pif. Le vrai combat, c'est de la boucherie pure. C'est pour tous ceux qu'en peuvent plus. Notre combat n'est pas palpable. Fais un peu pareil, c'est cette apathie, je t'en donne. Me rapprocher de Dieu juste une seule fois. Le,